Le dernier jour d'un condamné. Préface de la première édition. Il y a deux manières de se rendre compte de l'existence de ce livre. Où il y a eu, en effet, une liasse de papiers, jaunes et inégaux, sur lesquels on a trouvé, enregistrées une à une, les dernières pensées d'un misérable. Où il s'est rencontré un homme, un rêveur, occupé à observer la nature au profit de l'art, un philosophe, un poète, que sais-je, dont cette idée a été la fantaisie, qu'il a prise, ou plutôt s'est laissé prendre par elle, et n'a pu s'en débarrasser qu'en la jetant dans un livre. De ces deux explications, le lecteur choisira celle qu'il voudra. Victor Hugo, 1829. Il a alors 27 ans. Voici maintenant un court extrait de sa préface de 1832. Le dernier jour d'un condamné n'est autre chose qu'un plaidoyer, direct ou indirect, comme on voudra, pour l'abolition de la peine de mort. Les extraits qui suivent sont donc à rajouter à ceux qui ont déjà été postés sur ce site, Hugo contre la peine de mort.